Ok. Scream. Charlène. Ok. Difficile d'avancer dans un monde où tu crois en personne, où les gens se mêlent de ta personne sans arrêt. Ils pensent qu'à détruire et tu te renfermes simplement pour essayer de fuir. Difficile d'avancer dans un monde où ta vie déconne, où ta vie se joue de ta personne sans arrêt. Tu penses qu'à détruire et tu te renfermes simplement pour essayer de fuir. Tu me verras faire le con, pourtant je suis mal au fond de moi. Y'a trop de choses qui me rendent triste, dans mon cœur ça va mal, dans ma tête ça déraille. Et les soucis me guettent, je suis pas à l'abri de devenir cinglé, de perdre la tête. En plus les gens me saoulent, ils peuvent pas s'occuper que de leur cul. Ils se mêlent de la vie des autres et ça me tue. Trop de mal à faire confiance, j'ai déjà trop été déçu. Trop de mal à croire en la chance parce que je l'ai jamais vue. J'aime pas ma vie, non, ni celle des autres. Je suis tellement jaloux que je critique la vie des autres parce que je les envie. J'ai mes défauts et je vous emmerde tous. Sous mes défauts dans l'océan de ma vie, j'ai déjà trop bu la tasse. Pour certains la vie est un long fleuve, tranquille pour d'autres. La vie est parsemée d'embûches à combattre, à battre les autres. Un moyen pour toi de t'en sortir, me débattre de ce monde. Un moyen pour moi de survivre. Difficile d'avancer dans un monde où tu crois en personne, où les gens se mêlent de ta personne sans arrêt. Ils pensent qu'à détruire et tu te renfermes simplement pour essayer de fuir. Difficile d'avancer dans un monde où ta vie déconne, où ta vie se joue de ta personne sans arrêt. Ils pensent qu'à détruire et tu te renfermes simplement pour essayer de fuir. De nature mélancolique, je vais vite, mal, très vite. Ressasser le passé, t'inquiète, j'évite, man. J'évite les gens mal, ceux qui me descendent dans ce monde. T'attaques jamais, tu fais que te défendre. J'attends rien des autres, ils font leur vie, je fais la mienne. J'ai pas besoin d'eux pour me ramener la gamelle. C'est pour ça que tu me verras si solitaire, toujours tout seul dans mon coin. Tout seul, je rêve. Je rêve d'un monde meilleur, je rêve d'un monde sans pleurs. Je rêve d'une vie qui est pas la mienne, je rêve d'une vie ailleurs. Je m'imagine une vie où j'ai pas ce putain de mal de vivre. Je m'imagine une vie où ma réserve de bonheur n'est pas pauvre. C'est que des rêves, je sais ce que t'en penses, je m'en fous. Si tu critiques, si tu me tailles, franchement je m'en branle. Je m'arrête plus à ce que pensent les gens, je les comprends pas, non. Peut-être que ma place est parmi les anges. Difficile d'avancer dans un monde où tu crois en personne, où les gens se mêlent de ta personne sans arrêt. Ils pensent qu'à détruire et tu te renfermes simplement pour essayer de fuir. Difficile d'avancer dans un monde où ta vie déconne, où ta vie se joue de ta personne sans arrêt. Ils pensent qu'à détruire et tu te renfermes simplement pour essayer de fuir. Difficile d'avancer dans un monde où, dans un monde, difficile d'avancer dans un monde où tu crois en personne. Non, personne, personne. Difficile de faire confiance quand tu vois que n'importe qui peut te planter. Que même tes potes peuvent te planter. Fais gaffe à pas te planter sur tes fréquentations, attention. Même un de tes meilleurs potes peut te planter. Un poignard dans le dos, ça arrive souvent très vite. Et c'est difficile à esquiver. On ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Et sur ce coup, fais gaffe à pas te planter. Difficile d'avancer dans un monde où tu crois en personne, où les gens se mêlent de ta personne sans arrêt. Ils pensent qu'à détruire et tu te renfermes simplement pour essayer de fuir. Difficile d'avancer dans un monde où ta vie déconne, où ta vie se joue de ta personne sans arrêt. Ils pensent qu'à détruire et tu te renfermes simplement pour essayer de fuir. Difficile d'avancer dans un monde où tu crois en personne, où les gens se mêlent de ta personne sans arrêt. Ils pensent qu'à détruire et tu te renfermes simplement pour essayer de fuir. Difficile d'avancer dans un monde où ta vie déconne, où ta vie se joue de ta personne sans arrêt. Ils pensent qu'à détruire et tu te renfermes simplement pour essayer de fuir.